Yes? Look, I'm awfully sorry. I am the Grim Reaper. Qui ça? Le moissonneur de vie. Ah oui, je vois. Je suis la mort. Oui, voyez-vous, l'ennui, c'est que j'ai mes bons amis américains à dîner ce soir, alors... Qui est-ce, mon chéri? Un certain monsieur mort, un nom comme ça, il vient pour moissonner, enfin, c'est ce qu'il dit. Mais ne laisse pas dehors comme ça, mon chéri, fais donc entrer, monsieur. Chéri, je te dis que ça n'est pas le moment. Je vous en prie, cher monsieur, entrez, prenez un verre avec nous. Moissonneur, voilà ce qu'est monsieur mort. Je suis le moissonneur de vie. Oh, mon Dieu. Je suis la mort. Ben ça, oh ben ça c'est extraordinaire. Nous parlions précisément de la mort il y a 5 minutes encore. Oui, c'est vrai, vous savez, la mort est-elle la fin de l'existence? Comme mon mari, Howard le pense, souviens, y a-t-il à défaut de trouver un terme plus adéquat, une âme, un esprit? Quel autre mot disposerions-nous? Oui, exactement. Oui. Vous ne voulez pas comprendre. Y a-t-il quelque chose après la fin, oui ou non? Monsieur, est-ce que je peux dire quelque chose? Je vous en prie. Silas, je suis venu. Vous cherchez... Vous voulez dire que... Pour vous emmener là-bas. Oui, voilà qui gâche quelque peu cette délicieuse soirée, non? L'heure a sonné désormais. Venez. Suivez-moi. Précédemment, dans le Phédon, Socrate, condamné à mort, s'apprête à boire la ciguë. Face à la tristesse de ses amis, le philosophe leur soutient une thèse déconcertante. Celui qui s'est exercé à la pensée durant toute sa vie n'est pas inquiet mais plein de confiance au moment de mourir. Et pour une simple et bonne raison, car philosopher ne consiste en rien d'autre qu'à apprendre à mourir, autrement dit, en rien d'autre qu'à exercer de délier son âme de son corps. Toutefois, persistent plusieurs questions, dont celle-ci. Que reste-t-il de l'âme après la fin? Ou plutôt, pourquoi reste-t-il tout de l'âme après la mort? Bonjour Monique Dixot. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie au lycée et à l'université Paris. Hein. Vous êtes l'invité parfaite pour nous aujourd'hui puisque on vous doit la traduction et la présentation du Phédon en GF Flammarion. Des milliers d'étudiants vous remercient pour cette traduction et cette présentation. Je signale aussi que vous allez traduire et présenter aussi le Sophie, ce sera aux éditions Vrin. Mais c'est bien le Phédon aujourd'hui qui nous intéresse, Monique Dixot, aujourd'hui et toute cette semaine. Première question, avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet, la question de l'immortalité de l'âme. En quoi la lecture du Phédon est-elle plus convaincante qu'une autre pour se consoler face à la mort? Eh bien parce qu'elle ne l'est pas. Convaincante, justement. Ou parce que Socrate ne le veut pas, ne prétend pas dire des choses, persuader qu'il y a une vie après la mort, que nos âmes iront dans la pleine de pensées encore, se plaignent de souvenirs de leur vie, iront là-bas dans l'Hadès et continueront à se parler et à survivre, finalement, à vivre ailleurs, mais à vivre. Rien dans le Phédon, n'est jamais, comme on dit, conclusif, donc n'est jamais convaincant. Il y a une série d'arguments. Socrate, à la différence de ce qu'il fait d'habitude, commence toujours par partir d'une définition de la mort, alors que si on lit un tout petit peu les dialogues de Platon, on sait bien que quand Socrate arrive et se trouve devant un interlocuteur, la première chose qu'il fait, c'est de lui demander ce qu'il entend par tel ou tel mot, la vertu, le courage, n'importe quoi. Bon, autrement dit, il lui demande une définition. Dans le Phédon, elle commence par être définie, la mort. Et Socrate va chaque fois parler à partir d'une de ses définitions possibles. Alors là, la séparation de l'âme et du corps, puis la destruction, puis finalement la pensée. Mais cette manière d'argumenter, justement, parce qu'elle ne remet pas, elle ne peut pas remettre en question cette loi universelle que la mort. Tous les vivants, du seul fait d'être nés, ils sont soumis. Bon. Le problème, c'est que l'homme est quand même le seul animal qui sache qu'il doit mourir. Et en ce sens, il y a quelque chose de scandaleux pour les hommes, et probablement seulement pour les hommes, qui arrive avec chaque mort singulière. Socrate était là et il va disparaître. Dans quelques heures, il ne sera plus là. Donc, l'écart entre cette loi naturelle, si j'ose dire, à laquelle nous sommes tous soumis, qui ne souffre aucune exception, et la singularité de quelqu'un comme Socrate, justement, qui fait qu'elle ne lui permettra pas d'y échapper, sauf si, malgré tout, quelque chose survit. Mais qu'est-ce qui va survivre? C'est ça le problème. Bon. Et où est-ce que ça va survivre? Dans les enfers, au paradis, je ne sais pas où? Dans la mémoire des hommes? Ou tout ça va sombrer dans l'oubli? Bon. Chaque argument essaie de prendre une perspective, d'adopter un point de vue, qui est donc celui d'une certaine définition de la mort, et à partir d'elle, de démontrer quelque chose. Mais aucun des arguments ne vont démontrer exactement la même chose. Chacun va démontrer une certaine espèce d'immortalité ou d'indestructibilité, ça on va le voir, mais jamais vraiment exactement la même. Bon. Et l'alternative que Platon avait ouverte à la fin de l'apologie de Socrate, c'est-à-dire quand Socrate... Au moment du procès de Socrate. Quand Socrate se défend devant ses juges. Donc c'est la fin de sa défense, c'est lui qui la prononce, il n'y a pas d'avocat en Grèce, c'était l'accusé qui se défendait. Et cette fin de l'apologie met en place une alternative qui va perdurer tout au long du Phédon. L'alternative est la suivante. Allez-y. Ou bien, si donc la mort est un sommeil, à ce moment-là, la totalité du temps va se réduire à une seule nuit. Hein. Je vais dormir éternellement, et donc, pour moi, il n'y en aura qu'une seule de nuit, qu'un seul sommeil. À ce moment-là, c'est à condition que ce sommeil soit sans rêve, ne soit pas perturbé. On retrouve ça dans Hamlet, hein, c'est le monologue d'Hamlet. Dormir, mourir, bon, mais surtout pas rêver. Bon. Cette mort-là, si c'est un sommeil, il n'y a aucune raison de la craindre. On va juste dormir. C'est dormir, on dort toutes les nuits. Bon, et plus notre sommeil est profond, plus on est content. Justement, quand il n'est pas tourmenté par des rêves, des cauchemars ou je ne sais quoi d'autre. Bon, donc, ou bien... La mort est un sommeil. Voilà, un sommeil, c'est-à-dire que ma conscience, une perte de conscience. Est anéantie. Mm-hmm. Bon, voilà, on peut dire ça comme ça. Ou bien alors, c'est un voyage. C'est un voyage vers un autre lieu. Bon, alors, ça s'appelle les enfers. Hein, L'Hadès. Les Grecs, l'Hadès. Voilà. L'Hadès, c'est le royaume des morts, c'est-à-dire le royaume de l'invisible. De ceux qu'on ne peut plus. Hadès, ça veut dire invisible. Hein, c'est ceux qu'on ne peut plus voir. Mais alors, à ce moment-là, dit Socrate, si je vais. Donc, fin de la pathologie. Si je vais là-bas, si mon âme va là-bas, je vais rencontrer des tas de gens intéressants. Et ce qui est étonnant, et de femmes, ajoute-t-il, et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne mentionne aucun de ceux que nous appellerions philosophes. Pour la bonne raison d'ailleurs que, à l'époque de Platon, ce que nous appelons des philosophes pré-socratiques ne s'appelait pas du tout philosophe. Il s'appelait penseur de la nature, enfin, si vous voulez, bon. Philosophe de la nature, si on veut, mais pas philosophe. C'est Platon qui invente la philosophie, si j'ose. Avec Socrate. Avec Socrate, qui invente la philosophie et le philosophe, c'est-à-dire Socrate. Oui. Bon. Et Socrate, bon, il dit, je vais aller rencontrer Homère, Hésiode, Orphée, mais aussi Sisyphe, enfin des Ulysse, vous voyez. Et alors, je vais faire ce que j'ai fait toute ma vie. Je vais continuer à faire ce que j'ai fait toute ma vie. À savoir la philosophie. C'est-à-dire, non, à les soumettre à examen. C'est-à-dire, alors... je vais commencer à leur parler pour découvrir qui d'entre eux sait quelque chose, qui ne sait rien en s'imaginant savoir quelque chose. Que ne donnerait-on pas pour soumettre à examen ce genre de personnes? Alors évidemment, Socrate, ben précisément dans l'Apologie, raconte comment il a fait le tour d'Athènes pour aller voir tous ceux qui sont censés finalement, savoir quelque chose et tout. Finalement, il se réjouit presque de mourir si la mort ressemble à ce voyage et à cette discussion. Exactement. Avec des personnes, puisque comme il a fait le tour d'Athènes, ça lui permettra renouveler ses discussions. Il y a aussi d'autres villes. Enfin, je veux dire, Socrate, alors, si vous voulez, la seule chose, j'ai trouvé hier l'émission réellement passionnante et excitante. La seule chose, si vous voulez, c'est que, à un moment, hier, je fais mon mea culpa, ça tient à une phrase que j'ai mal traduite, que j'ai répété. Dans le Fédon. Dans le Fédon. Alors, je vais m'expliquer. Hier, il était question d'élitisme, mais alors. Parlons entre nous. En fait, c'est une mauvaise traduction. J'ai suivi la traduction absolument en toutes les langues courantes. Mm-hmm. Comme c'était tout le début, ça ne m'a pas paru spécialement important. Si vous voulez, je n'ai pas vraiment vérifié. Que dit le grec ? Le grec dit, bon, hippomane, pros, emas, autus, c'est-à-dire, parlons-nous, hippomène, a, pros, nous-mêmes. Et pas seulement parlons-nous à nous. Ce n'est pas seulement parlons-nous entre nous, entre soi, en fait. Entre nous. Parlons-nous à nous-mêmes, hommes. Se parler à soi-même, qu'est-ce que c'est pour Platon ? C'est penser. Penser, c'est se parler. Alors, vous traduiriez comment, maintenant, plutôt que parlons entre nous ? Parlons-nous à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque fois, c'est là que j'aurais dû m'en rendre compte, chaque fois, dans un dialogue, qu'est-ce qui tente que Socrate a à faire à un interlocuteur. Qu'est-ce qu'il tente de faire ? De lui faire accepter la question, c'est-à-dire de faire que celui à qui il parle fasse sienne la question qu'on lui pose. Si la question qu'on vous pose est une question que vous ne vous posez pas, quel intérêt vous allez avoir à écouter ? Il n'y a aucun. Et puis, après tout, ça va vous ennuyer, c'est tout ce que ça va faire. Tout le reste, tout ce que Socrate va vous raconter. Si Socrate arrive à vous faire comprendre qu'il faut que vous vous posiez cette question, et à ce moment-là, vous verrez bien si vous avez, vous, le moyen d'y répondre, tant mieux, et puis sinon, il faudra bien que vous écoutiez Socrate. Mais ça n'a d'intérêt d'écouter une réponse que si la question a une importance et un sens pour celui qui écoute. Ce qui est d'autant plus frappant dans le Fédon, puisque la question à savoir comment accepter de mourir, oui, c'est bien cette question, et intéresse au premier plan, donc Simmias et Cébès, qui sont ses interlocuteurs. Il y a d'autres disciples. Tous ceux qui lisent, évidemment, mais mettons-nous à la place de Simmias, oui, et Cébès, qui interviennent dans ce dialogue. On va entendre des textes, ils vont faire des objections, même à Socrate. Ils se mettent à la place, ils se sentent concernés par la question comment accepter de mourir, mais comment accepter que toi, Socrate, tu meurs et tu disparais. C'est comment accepter que peut-être ta pensée n'existe plus, ou comment pourrait-elle encore exister? Je vous propose, Monique Dixot, d'écouter tout de suite un extrait du Fédon, donc traduit par vous, 73b, 73d, c'est sur la réminiscence. Simmias, dit Socrate, tu te demandes comment ce qu'on appelle apprendre peut être une réminiscence. Voici comment je procède. Nous sommes d'accord, sans doute, sur le fait que si quelqu'un doit se ressouvenir de quelque chose, il faut qu'auparavant, à un moment quelconque, il ait eu un savoir de cette chose. Évidemment, dit Simmias. Donc, nous sommes d'accord également sur ce point. Chaque fois qu'un savoir survient d'une certaine manière, c'est une réminiscence. Voici comment j'entends la manière en question. Toutes les fois que voyant une chose ou l'entendant, ou la saisissant par une sensation quelconque, non seulement on perçoit cette chose, mais on conçoit en plus autre chose, qui est objet non pas du même, mais d'un autre savoir, n'est-il pas légitime de dire qu'en ce cas, on s'est ressouvenu de la chose qu'on a conçue ? J'imagine que le savoir qu'on a, par exemple, d'un homme, est différent de celui qu'on a d'une lyre. Or, tu sais bien ce qu'éprouvent les amants à la vue d'une lyre, d'un manteau ou de n'importe quel objet utilisé habituellement par celui qu'ils aiment. Dès qu'ils perçoivent la lyre, aussitôt, ils forment dans leur pensée l'idée du garçon à qui la lyre appartient. Eh bien, c'est cela une réminiscence. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre donc un extrait du Fédon interprété par Bernard Gabé. On entend un des arguments que Socrate va déployer dans sa discussion avec Simmias et Cébès notamment, qui est la réminiscence. Pourquoi cet argument, Monique Dixot, peut-il nous convaincre que l'âme est immortelle ? Ça n'est pas le premier argument. Ça n'est pas le tout premier argument. C'est le second. C'est le second. Le premier, peut-être on peut le rappeler. Le premier, oui. Mais avant ça, je voudrais répondre. Si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a que ce que les interlocuteurs et tout le monde, et tous ceux qui lisent, quand ils parlent d'une mort humaine, et non pas de la mort animale, c'est-à-dire qui est vraiment la mort du corps, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense en général. Bon. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'on leur démontre quoi ? Qu'on leur démontre, d'une part, que mon âme existera ailleurs, là-bas. Bon. Donc, l'indestructibilité d'une existence, si vous voulez. Et d'autre part, aussi, la pérennité d'une conscience singulière. Il faut que ce soit mon âme, parce que l'âme... Ça, c'est le premier argument, justement, celui qui précède la réminiscence, que l'âme, en tant que principe de vie, c'est-à-dire en tant que... L'âme, c'est ce qui anime tous les corps. Bon, tous les corps animés, justement, différencient les animaux des choses... Ah, c'est quand même une conception, je vous interromps, pardon, Monique Dixot, c'est quand même une conception proprement antique de dire que l'âme est un principe vital et le souffle qui anime. On pourrait avoir une vision, je ne sais pas d'ailleurs si elle est beaucoup plus moderne ou contemporaine, qui est de dire que finalement, c'est le corps qui est vivant. C'est le corps qui est vivant, c'est lui qui va périr, c'est lui qui va vieillir, c'est lui qui va grandir. Alors là, c'est l'âme, vraiment, le principe vital. C'est quelque chose qui peut être contradictif. Non, mais vous avez bien raison. Comme je suis bizarrement moitié Nietzschéenne, je vais vous donner raison. Bien sûr que c'est le corps qui pense, même, on peut dire. Bon. Mais en fait, ce n'est pas n'importe quel corps. Et à partir du moment où on admet que ça n'est pas n'importe quel corps et que jamais mon chat n'a écrit la critique de la raison pure, par exemple, bon, alors, il faut bien admettre que mon chat est animé. Hein, il a une âme. Et que Kant, il était animé aussi, mais quand même d'une autre façon, hein, ou Platon, ou Descartes. Bon, et que par conséquent, si on pense que c'est le corps qui pense, il faut alors donner au corps, évidemment, avoir du corps une toute autre conception, si vous voulez, que celui d'un amalgame de cellules, etc. Il faut penser un corps qui fonctionne comme Phénix, d'ailleurs intelligemment, d'une certaine façon, qui a de la puissance, hein, qui s'organise, etc. Et à ce moment-là, en fait, on revient. Ce corps-là, comment je vais l'appeler ? Ben, je vais dire qu'il est animé. Si je veux pas dire qu'il a une âme, mais je peux pas dire autrement que de dire qu'il y a quelque chose en lui. Et quand Platon décrit dans le, il va décrire tout le corps, hein, dans le Timée, hein, bon, il va analyser le corps humain. Et à chaque fois, il s'émerveille de la façon dont ça fonctionne, dont la bile fonctionne, dont le fait que ce qu'on avale, on l'excrète, et comment, et quoi, et qu'est-ce que le cœur prélève pour se nourrir, enfin, bon. Le corps, c'est intelligent. Le corps humain, c'est intelligent. Et c'est miraculeux, d'une certaine façon. Parce que c'est beaucoup plus différencié que n'importe quel corps animal. Donc, Platon ne dit pas... Si vous voulez, c'est très difficile pour nous, je crois. Excusez-moi, je parle peut-être trop... Ah non, au contraire. Bon, nous pensons, et nous sommes tous cartésiens sans le savoir, mais nous pensons tous en disant il y a l'âme et le corps, qui a deux substances, comme disait Descartes. Et tout le problème de Descartes, c'est de savoir comment elles peuvent s'unir, justement. Le problème des Grecs et de Platon, qui est quand même un Grec, c'est exactement le problème inverse. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose, c'est un vivant pensant, hein, l'être humain. Et le problème, c'est que généralement, même chez la plupart des hommes, la plupart du temps, c'est toujours un des deux éléments mélangés qui l'emporte sur l'autre. Or, celui qui l'emporte presque toujours, c'est pas l'âme, c'est le corps. C'est toujours le corps qui... Ou c'est toujours en fonction du corps que, admettons que l'âme réfléchisse beaucoup à ça, elle réfléchit. C'est toujours en fonction du corps que je décide de me nourrir, de faire de la gymnastique, de me maquiller ou de ce que vous voulez. Enfin bon. Et par conséquent, qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine en général ? C'est une vie qui s'occupe presque essentiellement de son corps. D'abord, parce qu'il faut qu'il survive, donc il faut qu'elle travaille, il faut travailler pour le nourrir, etc. Bon, mais évidemment, L'âme, elle ne se promène pas toute seule, même chez Platon. Hein. Bon, elle va se promener toute seule, peut-être après la mort, on va voir. Mais ça, il sait très bien qu'il raconte une histoire. Il dit, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Bon, mais autrement, elle est intimement mêlée. Et il y a un texte de Platon que personne ne cite où il dit, mais le corps, il n'est ni bon ni mauvais en soi. Enfin, c'est une réalité. C'est une réalité qui a son fonctionnement, ses lois, ses règles. Qui est normé d'une certaine façon par ses propres éléments. Donc, bon, le problème, donc, il est inverse de celui de Descartes, c'est celui de la séparation. C'est-à-dire, comment faire que l'âme se ressouvienne d'elle-même, c'est ça la réminiscence, se ressouvienne de sa puissance, la puissance qui lui est propre, c'est-à-dire de ce qu'elle peut faire sans son corps, sans passer par son corps, donc par ses sensations. Hein, bon, et à partir de là, on peut dire, comme dit Platon, personne n'honore comme il le faut son âme. Personne ne s'en ressouvient, personne ne la nourrit, personne n'essaie de la faire croître, d'accroître la puissance qui lui est propre, mais d'essayer de l'accroître encore par ses activités, si je veux dire. Il y a une chose que je viens de comprendre en vous écoutant, Monique Dixo, ce qui est assez fou, c'est que en fait, ce n'est pas tant une critique du corps qu'on a chez Platon qu'un éloge de l'âme. Mais ce qu'il faut entendre par là, parce que dit comme ça, c'est assez simple. Mais en fait, c'est comme si Platon avait perçu cette critique qu'on pense que tous les philosophes font au corps, à savoir qu'il nous pervertit, qu'il nous corrompt, qu'il est une entrave à la connaissance. Mais c'est plutôt une manière de dire « crois en ton âme ». Crois dans le fait que ton âme puisse comprendre, penser, réfléchir et vivre par elle-même. C'est ça le vrai point à comprendre. Et c'est pour ça que la question de l'immortalité de l'âme est si importante dans le Phédon. Exactement. Donc, on a deux. Tout à fait raison. Bon, bah, merci. Du coup, j'ai enfin compris ça au bout de plusieurs années de philosophie. Donc, merci. Il y a deux arguments, vous l'avez dit. Là, on en est à deux arguments. La réminiscence est le deuxième. Le premier, c'est la jeunesse des contraires, consiste à montrer que l'âme est immortelle, puisqu'en fait, elle va de corps en corps. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Non, je crois que, si vous voulez, oui. Non, pardon. Elle ne va pas de corps en corps. Dans le premier argument, il est très bizarre, ce premier argument. Oui, voilà, j'ai même du mal à le restituer. Mais il est bizarre. Il est bancal. Bon, okay. Non, au contraire, il veut rectifier quelque chose qui pourrait être bancal. Mais ce n'est pas du tout qu'il soit bancal, c'est qu'il est, je ne sais pas comment dire, c'est l'éternel retour. Hein, c'est ça, le premier argument, okay. C'est l'éternel retour. Bon. Donc l'âme, mais c'est l'éternel retour de quoi? Alors, Platon parle de quoi? Ce qui semble une évidence. Être vivant, c'est le contraire d'être mort. D'accord. Bon. Alors, donc, mourir, c'est aller d'un contraire à l'autre. Bon. Si tout allait dans le même sens, en rectiligne, si vous voulez, en ligne droite, tout allait de vivant à mort, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait qu'à un moment, tout serait mort. Tout retournerait au néant. Hein, donc on est obligé de penser, d'avoir une vision cyclique. Alors il faut penser le mouvement en sens inverse. Le vivant, puisqu'il y a passage d'un contraire à l'autre, eh ben, il faut forcément qu'il y ait passage de l'autre à l'un. C'est-à-dire que du vivant au mort, et puis le mort, du mort au vivant, c'est-à-dire que il va y avoir un cycle, un cercle, hein, et l'âme qui va passer de vivant à mort. Mais pour que ça marche, ça, Platon voit très bien, il le dit, il faut alors entendre vivant et mort, non pas comme deux états durables qui vont se succéder, mais comme des termes, des mots, si vous voulez, bon, des termes relatif uniquement, c'est-à-dire des points de passage. Alors, l'âme est immobile, elle va passer de la vie à la mort, elle va arriver à... Mais la mort, c'est juste un petit point de passage. C'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus morte, elle va tourner autour de la borne mort, elle va redevenir de plus en plus vivante, elle va tourner autour de la borne vie. Autrement, il y a deux contraires, comme deux pôles. En fait, le truc, c'est la... Le cirque où tournez les courses de chars, si vous voulez. Oui. Bon, donc l'âme, c'est un mobile, c'est comme une bille qui roule, qui va d'un contraire de vivant à mort, de mort à vivant. Mais alors, pour comprendre ça, pour que ça se passe comme ça, il n'y a qu'une solution. C'est que justement, les termes vivant et mort ne signifient pas du tout un état. Mais c'est ça. Mais Oui. Ça veut dire que Platon abolit vraiment les notions qu'on a, peut-être les préjugés qu'on a sur la naissance et la mort. Ce ne sont plus des états, ce ne sont plus des points de passage. Uniquement. Donc c'est entièrement relatif. C'est-à-dire qu'il dit une chose qui va reprendre après de façon, j'ai envie de dire, plus raisonnable, parce que là, il s'amuse un peu. Qui est que pendant que vous vivez, vous devenez de plus en plus mort. On vieillit. Évidemment. Toute vie est travaillée par la mort. Mm-hmm. Bon. Et réciproquement, il faut qu'il y ait une réciproque. Parce que sinon, tout s'abolirait. Sinon, tout s'abolit et sinon, on ne peut pas tenir donc, aussi la mort soit de plus en plus vivante. Alors, pour accepter ça, parce que qui va accepter ça, que la mort soit de plus en plus vivante, ben, il faut penser à l'analogie avec le rêve et le sommeil. Avec s'endormir et s'éveiller. Mm-hmm. S'endormir, c'est être de moins en moins éveillé. Se réveiller, c'est être de plus en plus éveillé, donc de moins en moins endormi, réciproquement. Donc là, on est dans la première alternative que proposait d'ailleurs Socrate à la fin de l'Apologie. C'est-à-dire, si la mort est soit un voyage, soit une nuit, un sommeil. Donc là, cet argument-là, c'est quand même plutôt de ce côté-là. C'est de ce côté-là, mais avec le fait que ce sommeil, de ce sommeil, on va de cet endormissement, à ce moment-là, il faudrait dire, ce sont des mouvements, si vous voulez, le premier argument. Ce qui, dans la fin de l'Apologie, c'est vraiment un état. Hein, je vais m'endormir, je vais rester endormi, hein, complètement, pour toute l'éternité du temps. Dans l'argument cyclique, qui s'appelle comme ça, il n'y a pas de jeu d'abord. Hein. Il n'y a qu'un petit, je vous dis, un petit mobile qui tourne en rond. Bon. Mais c'est exactement comme, Thanatos et Hypnos, mort et sommeil, c'était les enfants de la nuit hein, chez Hésiode. C'est la nuit, la déesse nuit, hein, qui engendre le sommeil et la mort. Il y a toujours eu cette analogie-là chez les Grecs, hein, entre sommeil et mort. Bon, donc, exactement comme je ne suis complètement réveillée qu'en un très bref instant, et puis aussitôt après, hop, je vais me recommencer à être un peu plus endormi jusqu'à m'endormir et me être un peu plus réveillé, etc. Bon, alors cet éternel retour qui fait de l'âme, un simple mobile capable de tourner. Voilà. Mais alors, c'est ça où il y a une forme de désacralisation de l'âme ici. Complètement. Donc non seulement elle n'est pas personnalisée, ce qui va arriver avec l'argument de la réminiscence dont on a écouté exactement le texte, mais surtout ce qui est frappant avec cet argument de la genèse des contraires, c'est que finalement on a l'impression qu'en défendant l'immortalité de l'âme, montrer que la mort n'est qu'un passage montre aussi qu'elle peut être soumise au devenir. C'est-à-dire que cette âme a beau être de tout temps, on va dire, immortelle, bizarrement, elle est quand même soumise à des états différents, à une forme de devenir. C'est paradoxal. Cette âme n'est pas la mienne. Cette âme, ni la mienne, ni la vôtre, ni celle de Socrate, ni celle de Sémès. Bon, c'est l'âme. Elle est au singulier. Dans le premier argument, l'âme est toujours au singulier. On va arriver à la réminiscence, on va voir qu'elle va être mise au pluriel. Là, c'est bien de nos âmes à nous, humains, qu'il s'agit. Donc là, c'est bien l'âme, principe de vie. Le premier argument, ce n'est que ça. Principe de vie, source de vie qui va, en même temps, faire le passage vie-mort-mort-vie. Si vous voulez, c'est une assez vieille doctrine que Platon s'amuse à réactualiser, et c'est ce qu'on appelle la palingénésie. Hein, c'est-à-dire que quand l'âme, elle ne passe pas une nouvelle vie, une autre vie, ce petit point-là, ce petit mobile, il se met d'être un peu plus mort à être un peu plus vivant. Bon, c'est tout. Alors, évidemment, c'est pas du tout. Ça n'est que l'âme universelle, j'ai envie de dire. L'âme qui anime aussi bien le monde, les astres, que vous et moi. Enfin. Le temps passe, Monique Dixo. Il nous reste une vingtaine de minutes pour la réminiscence. Alors, bon, pour la réminiscence, mais on a aussi d'autres textes à écouter sur la réincarnation. Donc, je vous propose peut-être de dire deux choses sur la réminiscence avant qu'on entende un texte sur la réincarnation. En quoi le passage de ce premier argument sur l'âme universelle se personnalise, se singularise avec cette idée de réminiscence réminiscence. Je rappelle ce que c'est que la réminiscence, c'est le fait, je cite les premières lignes de Socrate dans le texte qu'on a entendu, « Nous sommes d'accord sans doute sur le fait que si quelqu'un doit se ressouvenir de quelque chose, il faut qu'auparavant, à un moment quelconque, il ait eu un savoir de cette chose. » En quoi est-ce là une personnalisation de l'âme ? Parce qu'à ce moment-là, l'âme qui a un savoir, non, qui a acquis un savoir, quand est-ce qu'elle l'a acquis ? Eh bien, avant de naître. Hein. Le avant, là on change complètement de temps. Mmh. C'est plus le temps cyclique qu'on peut dire être un triste cycle lassant et que Nietzsche dit pas du tout, c'est encore une fois... Hein. Encore, c'est dire à la vie oui encore une fois, c'est ça l'éternel retour, le cycle. Hein. Il y a les deux interprétations sont possibles. Tandis que là, c'est dans la réminiscence, c'est mon âme. Alors, mon âme, eh bien, elle est capable, c'est l'exemple du petit esclave, non mais non, elle est capable, quand on lui pose bien une question, par exemple si on lui dit, bah, dessine-moi un carré double d'un autre, hein, c'est ce que fait, ou dis-moi si ces deux bouts de bois sont égaux. Bon, enfin... Qu'est-ce qu'elle est capable de faire ? Même si elle n'a jamais fait, comme le petit esclave, un mot de géométrie ou d'arithmétique. Hein. Bon, elle n'a jamais appris ça. Elle est capable, si on lui pose bien des questions, si on lui montre sur la figure que non, c'est pas en doublant le côté qu'on aura le carré double, hein, on va avoir quatre au contraire, etc. Bon. Alors, comment se fait-il que les âmes humaines, alors là, toutes pour le coup, soient capables de se ressouvenir de ce qu'elles ne savaient pas qu'elles savaient ? Oui, c'est exactement ça. C'est même c'est paradoxal parce que c'est comme si en fait on se souvenait de quelque chose donc dont on ne se souvenait pas, mais comme si en fait on pensait à quelque chose qu'on n'avait jamais pensé. Comment peut-on penser à une chose qu'on n'a jamais pensé ? Et bien la réponse c'est parce qu'on a la suite d'interrogations répétées. Mm. C'est la réponse de Socrate. Mais parce qu'on l'a su aussi, parce que c'est comme si ce savoir était stocké en nous et que juste il attendait un éclair pour l'éveiller. Il faut, non, il faut, comme c'est dans le Phédon, c'est dans le Ménon que Platon donne des conditions, si vous voulez. Il faut avoir la conscience de ne pas, avant tout, la conscience de ne pas savoir. Le petit esclave, il commence par dire tout de suite, ah ben, je double le côté. Bon, donc il croit qu'il sait. Puis il sait pas. Alors, il faut prendre conscience de sa propre ignorance, sinon on ne pourra jamais apprendre. Hein. Bon, il faut en plus prendre... avoir le désir de découvrir ce qu'il en est, le désir de chercher et avoir du plaisir à trouver. C'est ça, si vous voulez. C'est les Donc trois conditions de la réminiscence. L'âme ne fait que réapprendre, en fait. On n'apprend jamais. Mais elle réapprend quoi ? Alors, j'ai deux minutes, là, et comme ça, on en aura fini, parce que c'est l'essentiel. Elle réapprend quoi ? Elle a vu toute chose, hein, puisqu'elle a eu de multiples renaissances, donc... Elle a tout vu. Bon, elle a tout appris, elle sait tout. Elle sait tout sur quoi ? Sur les choses d'ici, du monde, et de là-bas, hein, d'avant la naissance. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle sait ? Ce que je viens de vous raconter là. Si on avait demandé au petit esclave quelle est la capitale de la Bolivie, comment il aurait pu s'en ressouvenir ? Évidemment pas. Hein. Personne, je vous le demande, mais moi maintenant, je serais incapable de vous le dire. Bon. Donc, c'est pas ce genre de savoir-là qui va vous faire retrouver, vous ressouvenir. Autrement dit, c'est pas une somme de connaissances particulières, etc. La réminiscence, c'est pas ça du tout. C'est de quoi est-ce qu'on se ressouvient ? On se ressouvient de la puissance qu'a l'âme de comprendre des choses qui sont compréhensibles, c'est-à-dire intelligibles. Et chez Platon, ça s'appelle des idées, tout simplement. Et les idées, on en parlera demain. Je vous propose, Monique Dixo, de... Parlez maintenant de la réincarnation. Allez-y. La chose que je voulais dire, c'est que dans le Phédon, l'exemple c'est quoi ? C'est je vois le portrait de Cébès, mettons, et je trouve, à ce moment-là, je pense à Cébès, lui-même. Oui. Bon. Pourquoi est-ce que le portrait de Cébès me fait penser à Cébès ? Je suis un amateur d'art, je veux me faire une collection de tableaux. Si je vois le portrait de la Joconde, je ne pense pas à la Joconde, je pense au portrait. Bon, pourquoi est-ce que je penserais devant le portrait de X à X ? Parce que le portrait me déçoit. ce que je voudrais qu'il soit là, c'est la réalité. C'est oui, voilà, c'est ça. On en revient à ce paradoxe qui était que finalement le semblable, enfin en tout cas la réminiscence, qui est que quand je vois quelque chose qui me fait penser à quelque chose de semblable, donc le portrait de Sébès me fait penser à Sébès en vrai, mais cette ressemblance est fondée sur une forme de presque de dissemblance, de manque. Il manque la réalité de Sébès. Cette ressemblance est une fausse ressemblance ou une ressemblance approximative. Et alors là, ça va s'étendre à toutes les choses sensibles qui vont devenir la simple manière d'appréhender, de les dépasser vers ce dont elle manque, c'est-à-dire la réalité véritable. Par exemple, la notion d'égal, c'est pas en regardant des bouts de bois égaux que vous allez la saisir. Parce que vos bouts de bois, ils sont jamais vraiment égaux, ça dépend d'abord de l'unité de mesure que vous allez choisir. Ils sont peut-être égaux au centimètre, mais pas au millimètre. Mais c'est en voyant, par exemple, 1 égale 1. Là, je peux le comprendre. Ben voilà. Il faut que vous passiez aux idées. Aux idées. Et nous, on passe à la réincarnation. Alors, monsieur Grégorius, avez-vous préparé ce que je vous ai demandé? Ah, vous voulez que votre mari vous aime à la folie? C'est bien ça? Oh oui, vous savez, je tremble de le voir se détacher de moi. Il est si charmant, si séduisant. Je suis jalouse comme une tigresse. Une tigresse? Tout s'éclaire, tout devient lumineux. Vous êtes une tigresse réincarnée. Comment? Comme tous les êtres d'élite, comme toutes les natures fines et sensibles, vous croyez certainement à la métempsychose. Ça, j'avoue que je n'ai jamais songé. Oh non, ne me dites pas cela, chère madame. Ça me fait trop de peine. Mais la métempsychose est aussi certaine que le soleil, la lumière, l'électricité. Ainsi moi, dans une vie antérieure, j'étais Ruggieri, le grand Ruggieri, l'empoisonneur de la reine Catherine de Médicis. Ah oui, il est vrai qu'entre-temps, j'ai été réincarné dans la peau d'un reptile. Un serpent à sonnette, aux Indes. C'était magnifique. Un serpent à sonnette? Ce sont les lois inexorables de la métempsychose. J'étais si méchant, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai préparé à votre intention un filtre d'amour. Il m'aimera toujours? Non seulement dans cette courte vie, mais dans plusieurs de ses réincarnations suivantes, il ne verra que vous. Les âmes d'hommes sans valeur continuent d'errer jusqu'au moment où, habitées par cet appétit qu'elles ont de leur compagnon, celui qui a forme corporelle, elles reviennent de nouveau s'enchaîner à un corps. Et, comme on pouvait s'y attendre, elles s'enchaînent à des corps dont le comportement est identique en tout point aux occupations qu'elles ont pu avoir leur vie durant. Par exemple, ceux qui n'ont jamais rien fait d'autre que baffrer, forniquer, se saouler, qui ne se sont jamais retenus, ceux-là viennent vraisemblablement plonger dans des corps appartenant à l'espèce des ânes ou des bestiaux de ce genre. Chaque espèce d'âme verra son lieu de destination déterminé par similitude avec son occupation ordinaire. Pour ceux qui préfèrent à tout l'injustice, la tyrannie, le rapt, il s'agirait plutôt de loups, de faucons, de milans. Ceux qui auront cultivé la vertu publique et sociale, celle qu'on appelle modération et aussi bien justice, ont toutes les chances de se réintroduire dans une espèce animale qui soit sociable et demeure douce. Abeilles, ou guêpes, ou fourmis. Ils peuvent même, sans changement, réintégrer l'espèce humaine, et de ce retour naîtront des gens bien comme il faut. Mais, pour l'espèce des dieux, si l'on ne s'est pas occupé à philosopher, et si l'on n'est pas parfaitement pur au moment du départ, il n'est pas permis d'arriver jusqu'à elle. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre, Monique Dixo, deux choses. D'une part, un extrait de ce film, Une vie de chien. C'est un film de Maurice Camage de 1943. On y a entendu ce terme de métempsychose, qui est une croyance en fait antique selon laquelle les âmes passent de corps en corps. Et puis on a entendu juste après un extrait du Phédon interprété par Bernard Gabé, qui est 81D82C, sur cette idée de réincarnation. Est-ce que la métempsychose, à savoir le fait que les âmes passent de corps en corps, c'est la même chose que la réincarnation? Et donc non, déjà, vous allez nous expliquer pourquoi et en quoi cela démontre non pas seulement l'immortalité de l'âme, à savoir que l'âme passe de corps en corps ou se réincarne entre différents corps, mais en fait aussi la nécessité du corps. Finalement, en fait, on a du mal à se débarrasser de ce corps. Oui. Alors, sur il y a une différence entre la métapsychose, justement, et la réincarnation. La métapsychose, comme le son l'indique, c'est le fait que l'âme passe d'un corps à un autre. Elle est la mienne, puis la vôtre, puis elle va... Bon, une quantité de théories qu'on appelle présocratiques, Héraclite, etc., ou Anaxagore, qui vous disent que l'âme va dans l'air, hein, alors il y a toute une quantité d'âmes comme ça dans l'air, et quand je respire, j'en avais... Oui, comme dans la terre, et donc ça fait pousser les plantes, etc. Bon, donc, ça c'est une espèce de transmigration, si vous voulez, des âmes, de corps en corps. Ce qu'il est en train de parodier, c'est une parodie magnifique qui m'a toujours fait rire de précisément toutes les théories de la réincarnation, si on peut dire, qui sont des théories en fait de la métasomatose, c'est-à-dire du fait que l'âme métasomatose, quelle est la traduction? Le passage du soma, c'est le corps, oui. de l'âme. Passe de corps en corps. C'est pas l'âme qui voyage, enfin, elle ne voyage pas. Elle ne transmigre pas. Elle s'incarne. Okay. Bon. Et alors, Platon est en train de vous dire, ah, oui, bien sûr, mais les âmes, elles vont s'incarner dans des choses qui leur ressemblent, dans des vivants qui leur ressemblent. Elles ne vont pas s'incarner dans n'importe quoi. Et alors, justement, les tyrans vont se réincarner en loup, tigre, tout ce que vous voulez, etc. Bon. Qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne un certain nombre de catégories, hein, d'espèces d'animaux. Bon, alors, il y a les féroces, il y a les trop doux, les trop dociles, si j'ose dire. Il y a ceux qui se goinfrent, etc. Tout ça, c'est ce qui vous attend si, pendant votre vie, après votre vie, donc vous allez à l'instant de votre mort, votre âme, elle va peut-être errer un petit peu, hein, attendre qu'un corps se présente, mais elle s'incarnera toujours dans ce qui ressemble à la vie qu'elle avait avant. Mm-hmm. Donc, si je me suis goinfrée, je serai un âne ou un cochon, tout ce que vous voulez. Mais en quoi ça démontre, cette idée démontre l'immortalité de l'âme, sauf le fait que, elle perdure, mais de toute façon, en fait, elle va perdurer quoi qu'il se passe. Ça n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'immortalité de l'âme. Ce que veut dire Socrate-là, c'est justement le problème de l'immortalité de l'âme, mais l'âme au singulier. Est-ce que toutes les âmes... Bon, alors d'abord, on voit bien que non, pas toutes les âmes. L'âme humaine, par exemple, se différencie des autres parce que c'est le fait qu'elle a conscience de mourir. Bon. Et puis de penser, sa capacité de penser. Bon, ça c'est la réminiscence et on s'en est ressouvenu grâce à elle. Mais est-ce que les âmes, toutes les âmes humaines, se valent? Parce que c'est ça, là on introduit comme une notion de valeur qui n'était pas précédemment, c'est-à-dire quelque chose comme ce qu'on appelle une doctrine de la... Comment dire? De la rémunération. Pas comment dire. La rétribution. De la rétribution. Une hiérarchie, voilà, des âmes. Ouais. Donc il y aura de meilleur lot pour les. Pour ceux qui se sont bien comportés avec leur âme. Et de plus mauvais pour ceux qui. Ceux qui se sont vautrés dans l'âme et qui ont vraiment. Dont le corps, en fait, a déteint sur l'âme d'une certaine manière, qui a vraiment pris la main sur. C'est pas qu'il a déteint, c'est que, encore une fois, c'est toujours un problème de. De quoi est-ce que l'âme s'occupe? En fait, c'est la responsabilité, elle ne revient pas au corps. Hein. Elle ne revient jamais au corps. Le corps, il n'est pas capable de désirer. Ça passe toujours par l'âme. Bon, donc, c'est l'âme qui a décidé de s'oublier, si j'ose dire, au profit du corps. Bon. Qui a décidé de ne plus gouverner, De ne plus gouverner le corps, mais de l'orienter là où peut-être qu'il n'aurait pas été spontanément, par exemple. Vous savez, c'est le buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Hein. Bon, si vraiment le plaisir et le vrai désir, c'est boire et manger, buvez et mangez. Mais alors, à ce moment-là, vous vous réincarnerez en âne. C'est clair. Hein. Bon. Et quand on est réincarné en âne, dans cette... Vous resterez là et vous engendrerez des petits ânons. Voilà, parce que impossible, pour le coup, de revenir, de se réincarner homme. Est-ce qu'un âne peut devenir de plus en plus intelligent? Après tout, mon chien... Parce que c'est ça, en fait. Si je vous pose cette question, il ne faut pas penser ça comme une... De manière terre à terre. Mais c'est pas une réalité. Qu'est-ce qu'il fait, Platon, là? Ce sont les catégories de son anthropologie. Mm-hmm. C'est les catégories animales qu'il vient de distinguer sont les catégories, pour lui, des hommes eux-mêmes. C'est ça, ce sont les différences d'espèces d'hommes. Mais ce que je veux donc les différentes espèces d'âmes. Ce que je veux dire par là, Monique Dixot, c'est pas tant que je pense qu'un âme puisse... Je ne vous demande pas vraiment si un âne peut se réincarner en homme, mais la vraie question, c'est, peu importe de toute façon, à quoi bon en fait exercer son âme à philosopher, à penser, si de toute façon, je peux très bien me dire, bah, cette vie-là, je la passe à me baffrer, je vais être réincarnée dans un mauvais corps, mais de toute façon, après, j'aurai quand même la possibilité de me perfectionner. Est-ce que vous pourriez vous raconter des histoires, là, des histoires comme on les raconte aux enfants, comme dit Platon? Et finalement, c'est pas la réalité, c'est pas ça. Platon ne vous raconte pas ce qui se passe ou ce qui va se passer. Il vous raconte de quelle manière l'âme peut vivre son union avec son corps. Voilà. Et il y a plusieurs manières de le faire. Et à ce moment-là, il est évident que on ne donnera pas. Est-ce qu'il est possible ? C'est une question. Chez Platon, il faut toujours penser par question. Hein. Est-ce qu'il est possible à ce moment-là de donner à l'âme à toutes les âmes la même sorte d'immortalité. Et la première différence, c'est comment soi-même on la conçoit, son âme. Autrement dit, on ne vit pas de la même façon selon que on conçoit que son âme peut être mortelle ou immortelle, ou peut-être mortelle, ou si on ne se pose même pas la question. Et justement, on mange et on boit jusqu'à mourir. Hein, parce que... Autrement dit, on se réfugie dans le divertissement. On va retrouver Pascal. On peut se réfugier aussi dans la religion qui vous dit que la mort, c'est le châtiment de vos péchés. Donc, voilà, et vous serez tous condamnés. Là, il n'y a plus de différence. Hein. Bon, si c'est le salaire de vos péchés, bon, voilà. Si vous irez en paradis ou en enfer, c'est encore des belles histoires. D'accord. Alors, quand on ne se raconte pas des histoires... Quand on se raconte pas des histoires, on va être condamné à mener une vie, j'ai envie de dire, qui n'a pas de sens. Bon, chez Platon, ça n'a pas le sens moral. C'est un sens qu'on appelle éthique, c'est-à-dire que c'est la manière d'être, de se comporter, plus exactement, de quelqu'un. Bon, donc être bon, c'est toujours essayer d'être à la recherche. Chercher à comprendre. Hein. Montano, c'est ça l'argument de la réminiscence. Montano, en grec, le verbe, ce qui dit apprendre, c'est aussi le verbe qui dit comprendre. C'est le même verbe. Bon. Pour comprendre, il faut d'abord apprendre. Hein, ça, c'est sûr. Bon. Donc, il faut chercher, se poser des questions, etc. Bon. Et par conséquent, vous n'aurez pas la même vie et vous n'avez pas la même âme selon ce à quoi vous allez vous occuper. C'est-à-dire si votre union avec le corps est trop étroite ou si vous allez... Vous arrivez comme font ceux... Mais tous ceux qui aiment à apprendre. Alors là, il faut... C'est là que je disais, il n'y a pas de... C'est pas élitiste, Platon. C'est simplement... Il y a des gens qui sont plutôt faits pour une occupation que pour une autre. Tout le monde n'est peut-être pas fait pour être philosophe, mettons, enseigner la philosophie, etc. Bon, mais tout le monde n'est pas non plus fait pour jouer du piano ou fabriquer des chaussures. Et en plus, tout le monde n'a peut-être pas du tout envie. J'ai pas envie de fabriquer des chaussures, mais si j'en fabrique quand même, je les ferai mal. Bon, autrement dit, il vaut mieux que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Bien. Mais il faut quand même que, dans la mesure où les hommes sont humains, qu'ils prêtent un peu attention à leur âme, dans une plus ou moins grande mesure, et qu'ils en aient un plus ou moins grand désir. Alors on appelle les philosophes ceux qui ont le plus grand désir. Bon, mais il y a des gens qui n'ont pas ce désir. Un mathématicien, il préfère faire des mathématiques que lire encore une fois Kant ou Hegel. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Et qu'il ne s'occupe pas de son âme ? Il s'occupe à sa manière de son âme. Bon, mais tout le monde s'en occupe, mais non, pas tout le monde. Il y a ceux qui s'en occupent pas du tout. Bon, Ça, et après, il faut distinguer. On va bientôt se quitter, Monique Dixot, et j'aimerais quand même revenir sur une phrase de Socrate qui dit « Voici mon pari, supposons que ce que je viens de dire se trouve être vrai, alors à savoir sur l'immortalité de l'âme, on ne pourra que se trouver bien de le croire. » Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Socrate fait un pari. Finalement, en fait, sa démonstration voici mon pari. Sa démonstration de l'immortalité de l'âme est plus une croyance, en fait, quelque chose Une espérance, c'est le mot qui revient sans arrêt. C'est même surtout pas une croyance. Socrate croit pas. Il cherche. Bon, mais je veux dire, non, Socrate ne croit pas. Jamais. Il cherche, il se pose des questions, il n'arrête pas. Dès qu'il croit qu'il a compris quelque chose, il se demande s'il l'a vraiment compris. Il repose la question autrement et ainsi de suite. Bon, c'est pour ça qu'il est fascinant. C'est pour ça qu'il invente aussi la philosophie. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de philosophie. Et c'est en ça aussi que vous avez dit au tout début, Monique Dixot, que c'est le dialogue le Fédon est un des dialogues les moins convaincants parce qu'il ne repose pas sur la logique, parce qu'il repose peut-être finalement sur cette espérance. Parce qu'il admet qu'on ne peut avoir que la mort n'est pas un problème puisque c'est une loi à laquelle je suis soumis. Bon, alors comment malgré tout en faire un problème, poser l'alternative qu'il pose à la fin de la... Bon. Et à partir de là, vivre en conséquence, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire passer sa vie à penser la mort. Ça veut simplement espérer que tout ne finira pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire passer dans un temps où commencer et finir n'ont pas de sens. Quand vous faites de la philosophie, mais quand vous faites des mathématiques, c'est pareil, et quand vous jouez de la musique, c'est pareil. Je veux dire, vous n'êtes pas dans un temps où il y a un commencement puis quelque chose qui va brusquement arriver à interrompre. Bon. Vous êtes dans le temps de toujours, c'est-à-dire dans le temps propre de déroulement, soit de la pensée, soit de la musique, soit etc. Bon. Et quand vous êtes dans ce temps-là, ça peut s'appeler l'éternité, mais l'éternité, c'est presque une image, c'est gênant, c'est pas exactement ça. C'est vraiment le temps de tout, le temps où le temps n'a pas de sens. La succession temporelle n'a pas de sens. Merci beaucoup, Monique Dixot. Merci beaucoup Monique Dixot. Je rappelle que vous avez traduit et présenté le dialogue du Fédon, c'est en GF Flammarion. Je signale aussi que va bientôt paraître Le Sophiste, donc un autre dialogue de Platon aux éditions Vrin. Qu'on peut lire de vous Platon Nietzsche, l'autre manière de philosopher, c'est aux éditions Fayard. Et aussi que votre premier livre paru en 85, qui a été réédité plusieurs fois, Le Naturel, philosophe, essai sur les dialogues de Platon, est disponible aux éditions Vrin. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, Le Pourquoi du Comment.